Document 3, page 50. Alors voilà, je cherche un grand appartement à louer. Au centre-ville ou en banlieue ? Au centre-ville, mais dans un quartier calme. J'ai un F5, rue des Deux Ponts, au 5e étage avec ascenseur. Parfait ! Je voudrais le visiter aujourd'hui, c'est possible ? Impossible. L'ancien locataire doit le nettoyer. Vous pouvez le visiter vendredi. C'est dommage. J'ai un F4, place de la Comédie, au 3e étage. Toutes les fenêtres donnent sur la place. C'est pas mal, je peux le voir ? Pas aujourd'hui. Le propriétaire est absent et je n'ai pas les clés. Bon, autre chose ? J'ai un F3, rue des Roses, au rez-de-chaussée. Mais c'est petit et ce n'est pas au centre-ville. Oui, mais il est libre et j'ai les clés. Nous pouvons le visiter maintenant.